Piste 44. Exercice 2. Les voyelles nasales 1, en, on. Les voyelles orales est, o. 1. Natation. 2. Personne. 3. Danse. 4. Dessin. 5. Piscine.